du mois, parce que je reçois de l'argent, mais ça me sert à rien, parce que je dépense tout le temps. J'habite près du supermarché et j'y passe très beaucoup de temps. Je prends tout mon argent, je peux pas m'empêcher de consommer, de consommer, de consommer, de consommer. Je peux pas m'empêcher de consommer. €25 par mois, donnés par maman et papa. J'aimerais m'offrir des trucs bien, mais je passe mon temps dans les magasins. C'est des merdes, bouffe dégueulasse. Dans les rayons, j'ai du surplace. Je sais que c'est pas malin, mais personne ne peut s'empêcher de consommer, de consommer, de consommer.